Jamais, Seigneur. Hakika unatawala milele, Bwana. Ton règne n'a pas de fin. Utawala wako hauna mwisho. Ton règne est éternel. Utawala wako ni wa milele. Personne ne connaît quand tu as commencé. Hakuna anayejua ulianza wakati gani. Et tu ne finiras pas. Na utakuwa na mwisho. Tu nous as engendrés en Jésus-Christ. Ulituzaa ndani ya Yesu Kristo. Merci Seigneur. Accenti, Bwana. Ce matin, cet après-midi, mchana wa leo, nous sommes au rendez-vous. Tuko kwenye mkutano. Comme une vaisselle entre tes mains, Seigneur. Kama watu ambao utatengeneza mikononi mwako, Bwana. Utilise-nous. Wendo katutumie. Atteins tes objectifs. Zifikie lengo zako. Pour ce soir. Kwa magharibi ya leo. Dans la vie de chacun d'entre nous. Ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Et dans notre génération. Na ndani ya kizazi chetu. Tu sais toutes choses. Unajua mambo yote. Tu sais comment le faire. Na unajua namna gani kuifanya. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Shalom à tous. Amani kwenu nyote. Alléluia. Amina. Est-ce que vous êtes prêts? Je muko tayari. Vous êtes prêts? Muko tayari. Hier, nous avons commencé de parler des facteurs qui accompagnent la rencontre avec notre nouveau nom. Jana tulianza kuzungumzia juu ya mambo yanayosindikiza kukutana na jina letu mpya. Et nous commencions de parler de la perception de la lourde responsabilité. Na tulianza kuzungumzia mtazamo wa jukumu kubwa. La lourde responsabilité. Jukumu zito makubwa. Alléluia. Amina. Et nous avons vu que les hommes et les femmes les plus sincères qui ont rencontré leur nom ont été éblouis. Na tukaona ya kwamba watu na wanawake na wanaume ambao walikutana na jina lao walishangaa sana. Parce que ce n'est pas facile. Sababu si rahisi. D'affronter ce nom du fait. Wanze kugombea hiyo jina. Que nous ne savons pas comment Dieu lui-même définit ce nom. Usipojua namna gani Mungu yeye mwenyewe anasema juu ya jina hilo. Et nous-mêmes nous ne comprenons pas effectivement exactement qu'est-ce que ça voudra dire. Na sisi wenyewe tuelewe kikamilifu inamaanisha nini. Et puis nous ne connaissons pas encore quels vont être les inconnus de ce nom. Na tujajua nini ambayo haijulikani ndani ya jina hilo. C'est la raison pour laquelle les hommes normaux. Ndio kwa sababu watu ambao ni wa kawaida. Quand ils rencontrent leur nom, wanapokutana na jina zao, ils perçoivent la lourde responsabilité. Wanatazama jukumu zito. Ils se rendent compte wanagundua ya kwamba que ce ne sera pas facile. Haitakuwa rahisi. Ils se rendent compte wanagundua que Dieu est en train de les amener dans une lourde responsabilité. Ya kwamba Mungu iko na waweka ndani ya jukumu zito. La tendance habituelle, c'est que l'on s'excuse. Na kila mara unatoa masababu. Et on dit à Dieu, cherche quelqu'un d'autre. Na unamwambia Mungu mtafute mtu mwingine. Moïse lui-même, le grand Moïse, Musa yeye mwenyewe Musa mtu mkubwa, a fini par dire à Dieu, akamwambia Mungu, envoie quelqu'un d'autre. Wendo kamtume mtu mwingine. À plus forte raison, toi et moi. Sasa wewe na mimi. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Umtume mtu mwingine Bwana. Autrement dit, donne ce nom à quelqu'un d'autre. Kwa maneno mengine, upatie jina hii mtu. C'est ça la difficulté de Dieu. Na hii ndio ugumu wa Mungu. Parce que depuis que tu as été conçu dans le sein de ta mère, sababu tangu uliwekwa ndani ya tumbo la mama yako, c'est ça le nom qu'il t'a donné. Ni hiyo ndio jina aliyokupa. Et quand tu dis envoie quelqu'un d'autre, na unaposema umtume mtu mwingine, tu voudrais dire, ungetafuta kusema, Seigneur, Bwana, donne ce nom à quelqu'un d'autre. Umpatie mtu mwingine jina hii. Dans Ésaïe chapitre 9, ndani ya Isaya sura 9, où nous avons lu avant-hier, mahali tulisoma juzi yake, que les ténèbres ont rempli la terre jusqu'à ce que naisse un fils. Ya kwamba giza ilijaa dunia mpaka wakati mtoto atakapozaliwa. Un enfant nous est né. Mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Pour arrêter les ténèbres. Ili asimamishe ile giza. Si cet enfant dit, kama ule mtoto anasema, donne ce nom à quelqu'un d'autre. Umpatie jina hii mtu mwingine. Parce que tout de suite, sababu hapa mbeleni, dans ce verset 5, il est écrit, ndani ya sali la tano imeandikwa, un enfant nous est né, mtoto amezaliwa, un fils nous est donné, mwana ametupewa, la domination reposera sur son épaule, na utawala utakuwa juu ya bega lake, et on l'appellera, na watamuita. Il a un nom. Anachina. On l'appellera admirable. Watamuita mwenye mwema. Conseiller, Dieu puissant. Mfariji Mungu mwenyezi. Prince de la paix, Père éternel. Mfalme wa amani, Baba wa milele. En fait, tout ça sont des facettes du même nom. Yote ni uso ambao iko ndani ya jina moja. Autrement dit, ton nom ni kusema jina lako peut contenir plusieurs facettes. Inaweza kuwa na uso nyingi. Et tu as besoin d'accepter toutes les facettes. Na unahitaji kukubali ile uso wote. Et de t'inscrire dans toutes les facettes. Na ujiingize ndani ya ile uso wote. Parce que ce sont ces facettes. Maana ni zile nyuso. Qui constituent les chapitres de ta vie. Ambazo zinaweka vipengele vya maisha yako. Alléluia. Amina. Plaise à Dieu. Impendeze Mungu. Que ta vie ait plusieurs chapitres. Maisha yako iwe na vipengele vingi. Alléluia. Amina. Et plus tu as des chapitres, na sidi una vipengele, plus ton appel à la grandeur sera terrible. Sidi wito wako kwa ukubwa utakuwa ni hatari. Dieu est encore en train de chercher un homme. Mungu iko namtafuta mwanadamu. Par qui passer? Ambaye atapitia kupitia pour faire passer. Ili apitishe. Des prévisions inouïes. Ile matayarisho. Inouï, c'est-à-dire incommensurable. Ile matayarisho ambayo watu hawawezi kuhesabu. Des prévisions incommensurables. Il est matarisho ambao watu hawawezi kuhesabu. Sont encore dans les stocks de Dieu. Iko ndani ya akiba ya Mungu. Mais ces prévisions, lakini matayarisho yale, sont aussi dans ton nom. Iko ndani ya jina lako. Pour la sphère, kwa ajili ya ile uwanja, ou la portion, ama ile sehemu, que tu vas jouer ambao wewe utaenda dans le but de Dieu. Ndani ya lengo la Mungu. Alléluia. Amina. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Ndani ya Mathayo 16:18. Alors que Jésus est en train de poser la question aux disciples. Yesu yuko nawauliza wanafunzi swali. Qui est-ce qu'on m'appelle? Wananiita nani? Et chacun donne des réponses. Na kila mtu anatoa jibu. Et Pierre finalement dit, na Petro kwa mwisho anasema, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Et Jésus de lui répondre, na Yesu anamjibu, c'est ni la chair ni le sang qui te dit ces choses. Ya madamu iliyokufunulia mambo haya. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini ni baba yangu aliye mbinguni. Car tu es Pierre. Sababu wewe ni jiwe. Et sur cette pierre, na juu ya jiwe hilo, je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Et ni la mort, na hata kifo, ni le séjour des morts, hata adeze, ne prévoit dévoreront point contre elles. Ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose qui précède. Jésus dit, je bâtirai mon église. Souvent, lorsque nous lisons ce texte, nous avons l'impression que Jésus-Christ va se débrouiller pour bâtir son église et que ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre affaire. N'est-ce pas? C'est ce qu'on répond à Jésus. On dit, mais c'est toi qui as dit. Tu vas bâtir ton église. Et cela a roulé certains pasteurs. Certains serviteurs de Dieu. Qui ont développé une phrase qui dit. Kazi ya Mungu inajibebaka. Le travail de Dieu s'amène de soi. Vous avez déjà entendu cette phrase? Donc, mangeons, tule, vivons, tukunye, l'œuvre de Dieu s'amène. Parce que Jésus a dit, il va bâtir son église. Et certaines excuses passent sous ce genre de phrases. Mais achana na bile, ni kazi ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui va faire son affaire. Ni kazi ya Mungu, mwachane na ibi. Oh, passer au chatusumbwa na majene, ni kazi ya Mungu, tuache. Oh, musome Biblia, mwende hubiri. Tuache. Ni kazi ya Mungu. C'est l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas que Jésus a dit qu'il bâtira son église? Pasteur, tu te mêles dans les choses d'autrui. Tu te mêles dans les choses de Jésus. C'est lui qui a dit qu'il va bâtir lui-même son église. Fausse compréhension. Tu mets les wavibaya. Pourquoi tu passes 3 ans et demi avec 12 hommes? Sababu gani unaweza kupitisha miaka 3 na nusu pamoja na watu 12? Alors que tu sais que c'est toi-même qui bâtira ton église. Ijapokuwa wewe mwenyewe unajua ya kwamba ni wewe mwenyewe utakayejenga kanisa lako. Tu perds leur temps. Si unapoteza wakati wao. Et tu perds ton temps aussi. Na unapoteza wakati wako wewe mwenyewe. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Inamaanisha nini andiko hili? Jésus essaye de dire. Yesu Kristo anapima kusema. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. De telle manière que. Kuangisi. Retenez ça. Mushike hii. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. De telle manière que. Kuangisi. La mort. Kifo. Le séjour des morts. Milango ya hadeze. Ne prévalent pas. Haisitabomoa. Contre elle. Kanisa hiyo. Suivez attentivement. Munifuate kwa makini. Ceci veut dire. Hii inamaanisha. Pour que la mort. Ili kifo. Et le séjour des morts. Na milango za hadeze. Ne prévalent pas. Sisibomoe. Cela dépendra. Hii itahusika. De la manière. Yanchisi. Dont je vais bâtir l'église. Nitachenga kanisa hilo. Cela dépendra. Hii itahusika. De la dimension ya kiwango avec laquelle ambapo pamoja je vais bâtir mon église. Nitachenga kanisa langu. Or, tu vas bâtir ton église avec quoi? Quels sont les matériaux? Utachenga nini na kanisa lako? Nini utatakayotumia? Les arbres? Je ni miti? Les chèvres? Je. Il bâtit son église avec quoi? Anachenga kanisa lake na nini? Avec toi et moi, des hommes et des femmes. Pamoja na wewe na mimi, ça veut dire inamaanisha la qualité de la bâtisse. Samani ama hali ya inayojenga. La qualité de ce qui est bâti. Hali ya ile ambayo umejengwa. C'est ce qui va faire. Ni ile ambayo utakayofanya. Que le séjour des morts ne prévale pas. Milango za hadeze zisibomoe. Allô? Je tunasikilizana. Est-ce que vous me captez? Je tunasikilizana. Que je revienne? Naweza rudilia. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Ni la mort. Hata kifo. Ni le séjour des morts. Hata milango ya hadeze. Ne prévaudrait point. Hasitabomoa. Contre cette église. Hii kanisa. Parce que j'ai bâti cette église. Sababu nimejenga kanisa hii. À une dimension telle. Kwa kiwango ambacho. Que cette cette mort, ce séjour de mort, ne pourront rien faire contre l'église que j'ai bâtie. Alors, na sasa, comment tu bâtis ton église? Namna gani unajenga kanisa lako? Jésus bâtit son église Yesu anajenga kanisa lake par le travail qu'il fait kupitia kazi anayoifanya sur chaque membre de l'église, ndani ya kila mwanamemba wa kanisa, sur chaque individu dans l'église, juu ya kila mtu kanisani. Et quel est le travail qu'il fait sur chaque individu de l'église? Le premier travail, kazi ya kwanza, le premier souci, shaka ya kwanza, c'est ton salut. Ni wokovu wako. Le second souci, shaka ya pili, c'est que tu connaisses ton nom. Ujue jina lako. Si ces deux choses marchent, kama mambo haya mawili yanatembea, l'église de Jésus-Christ, kanisa la Yesu Kristo, est sur un bon terrain. Imekuwa kwenye uwanja mzuri. L'église de Jésus, kanisa la Yesu, est sur de bonnes rails. Iko kwenye njia nzuri. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Vous comprendrez pourquoi il est tellement capital. Mutelewa njisi ni ya maana sana. Que toi et moi, wewe na mimi, nous connaissions nos noms. Tujue jina zetu. L'avenir de l'église, ujao wa kanisa, l'avenir de l'église, ujao wa kanisa, dépend, inahusika, de ton nom. Na jina lako. Si ton nom rate, kama jina lako linapotea, Jésus ne saura pas dire, Yesu ataweza kusema, j'ai bâti mon église, nimejenga kanisa langu, de telle manière que, kwa njisi, alors mets-toi dans le de telle manière que, sasa ujitie kwa ile nji, kwa njisi, le de telle manière que, ndani ya ile kwa njisi, c'est l'effort, ni ile kuchikaza, que Jésus-Christ fait, ambao Yesu anafanya, que le Saint-Esprit fait, ambao Roho, que le Père fait, ambao Baba anafanya, pour t'amener dans ton nom, ili kuingize ndani ya jina lako. De telle manière Kwanjisi, que lorsque nous tous nous sommes dans nos noms, je vous l'ai dit hier, wakati sisi sote tuko ndani ya jina zetu, l'église de kanisa Jésus ya Yesu est une puissance. Ni uwezo kubwa. Alors Jésus a raison. Na Yesu anayo mamlaka, anayo uwezo. Mais c'est Paul qui a parlé, dit, na Paul alisema, jusqu'à ce que tes ennemis soient mis sous tes pieds. Mpaka wakati maadui zako watakuwa chini ya miguu yako. Les ennemis de Gédéon, maadui wa Gideoni, n'ont jamais été mis sous les pieds de Gédéon. Hawajakuwa chini ya miguu ya Gideoni. Jusqu'à ce que Gédéon ait son nom. Mpaka wakati Gideoni alipata jina lake. Il avait déjà un certain âge. Alikuwa amefisha kufikia umri fulani. Il avait déjà compris un certain nombre de choses. Alikuwa ameshaelewa mambo fulani. Il avait les informations sur son peuple. Na alikuwa na habari juu ya nchi ya taifa lake. Mais tout cela ne suffisait pas. Lakini ile yote ilikuwa itoshi. Tout cela ne lui aurait servi. Ile yote haikumfalia kitu. Les connaissances qu'il avait, ujuzi aliyokuwa nayo, même les capacités qu'il avait, hata uwezo aliyokuwa nayo, n'ont servi à rien. Haikumsaidia kwa kitu. Jusqu'à ce que il rencontre son nom. Mpaka wakati alipokutana na jina lake. Quand il a rencontré son nom, alipolikuta jina lake, il a fait cesser à toute la nation de se cacher. Aliacha taifa lote alikujificha tena. Tu peux bouger quelqu'un, dit lui, cette nation t'attend. Unaweza tikisa mtu na mwambia taifa hili linakusubiri. Dis-lui avec beaucoup plus assurance. Mwambie na uhakika mwingi. Cette nation t'attend. Taifa hili linakusubiri. Maintenant dis-lui, parce que la nation c'est petit. Dis-lui, cette génération t'attend. Mwambie kizazi hiki kinakusubiri. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, c'est pourquoi Ndio maana lorsque Dieu rencontre un homme, Wakati mtu anamkuta mtu. Et lui communique son nom. Na anamtangazia jina lake. Et que cet homme fonctionne normalement. Na huyo mtu anatembea kawaida. Et il comprend. Na anaelewa. Que c'est Dieu qui parle. Ya kwamba ni Mungu anayezungumza. Et que cette information vient du ciel. Na kwamba habari inatokea mbinguni. Et que donc c'est grave. Ya kwamba ni hatari. Alors. Na sasa. Il réalise. Anaona ya kwamba. Que c'est lourd ça. Hii ni nzito kabisa. Ça c'est lourd. Hii ni nzito. Et nous avons hier fini de dire. Na jana tulimaliza kusema. Même quand c'est lourd. Hata kama ni vizito. Chaque fois que Dieu a donné ce nom lourd. Kila wakati Mungu alipopana jina nzito. Il a fini par dire. Alimaliza akisema. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Et Dieu te dit ce soir. Na Mungu anakuambia mangaribia leo. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et si tu crois qu'il sera avec toi, acclame-le. Na kama unaamini kwamba atakuwa pamoja nawe, unaweza kumshangilia. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Regardez un cas. Mtazame mfano moja. Avant cela. Mbele ya hiyo. En fait. Mnajua. La nécessité de bien percevoir ton nom. Mana ya kutazama vizuri jina lako. Produira les avantages suivants. Italeta matokeo nzuri. Premier avantage. Faida ya kwanza. Cette perception correcte de ton appel, de ton nom. Ile mtazamo wa kweli wa jina lako ama wa wito wako. Va permettre que tu développes une dépendance de Dieu. Itaruhusu uende ukamtegemee Mungu. Tu vas dépendre de Dieu. Utategemea Mungu. Deuxièmement. Ya pili, et va permettre itaruhusisha que tu craignes Dieu. Umuogope Mungu. La plupart des temps, wengi wa wakati, les gens qui vivent sur cette terre vaille que vaille, watu ambao wanaishi hapa duniani kiolela, et qui naviguent dans le péché comme ils veulent, na ambao wanatembea ndani ya dhambi kama vile wanataka, c'est des personnes qui n'ont pas perçu correctement ni leur watu nom. Ambao hawakutazama vizuri jina lao. Le féticheur vient te tromper et tu vas facilement parce qu'il n'a pas compris qui tu es. Mfumo anakuja kudanganya na unakubali hapo hapo sababu haukuelewa wewe ni nani. Troisième avantage. Faida ya tatu. Ça te permet d'être fidèle et intègre. Inakuruhusisha uwe mwaminifu na mkamilifu. Et ça te permet quatrièmement. Na inakuruhusu kwa mara ya nne. D'être déterminé à accomplir cela. Uwe tayari kutimiza hiyo. Vous savez, c'est difficile de s'engager à accomplir quelque chose qu'on n'a pas compris. Unajua ya kwamba ni vigumu ujitoe kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe haukuelewa. Regardez. Mtazame. Nous avons quelques fois des mini campagnes le samedi. Situna mikutano ya injili kila siku ya sita. Mais pourquoi tu te donnes pas ça? Lakini sababu gani haujitoe kwenda huko? Parce que tu ne comprends pas la valeur de ça. Sababu hauelewe thamani ya hiyo. Pourquoi seras-tu fidèle à quelque chose que tu ne comprends pas? Utakuwa mwaminifu kwa kitu ambacho wewe hauelewi namna gani? Ce sont les personnes. Ni watu ambao qui ont compris le nom que Dieu leur a signé. Ambao wameelewa jina ambao Mungu amewawekea. Qui seront capables même de persévérer et d'être déterminés. Ambao watakuwa nayo uwezo wa kuvumilia na kujitoa. Ils savent dans quoi ils se déterminent. Wanajua ni ndani ya kitu gani wanajitoa. Ils seront capables de craindre Dieu. Watakuwa wakimwogopa Mungu. Dans le psaume 2:11 il est écrit. Ndani ya Zaburi 2:11. Servez l'Éternel avec crainte. Mumtumikie Bwana na woga. Soyez dans l'allégresse avec tremblement. Mkuu ndani ya furaha mkitetemeka. Pourquoi tu sers Dieu avec crainte? Sababu gani unamtumikia Mungu na woga? Parce que je sais en quoi je suis engagé avec ce Dieu-là. Sababu najua nimejitoa ndani ya nini pamoja na huu Mungu. Alléluia. Amina. Je suis dans la joie. Niko ndani ya furaha. Mais je tremble. Lakini natetemeka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Chaque fois je tremble dans cette église quand je réalise tout ce que Dieu m'a dit. Kila mara natetemeka ndani ya kanisa hili ninapoona ile ambayo Mungu aliniambia. Est-ce que Dieu m'a montré où nous allons? Wakati Mungu amenionyesha tunaendea wapi? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, mnajua, lorsque tu connais ton nom, wakati unajua jina lako, tu n'as même pas besoin de chaque fois proclamer ça du haut de la chair ou en public à la radio. Hauna hitaji hata ya kuanza kuitangaza kila siku mazabauni ama kwenye radio. Une fois vous n'avez vu Gédéon, Haujaona Gideoni? Dit peuple de Benjamin, venez auprès du vaillant héros. Mwe nchi ya Benyamini mkuje karibu ya shujaa hodari. Vous voyez ça? Je muliona hii? Et que tu as besoin de dire ton nom? Je unahitaji useme jina lako? Non. Hapana. Mais tu as besoin de percevoir dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, ce que ce nom-là veut dire. Tu as besoin de méditer sur ce nom-là pour que ton nom devienne une conscience en toi. Je vous ai déjà enseigné la fois passée que les choses qui ne sont pas venues dans notre conscience ont trop peu d'effet sur nous. Mais les choses sur lesquelles nous avons médité et médité plusieurs fois montent dans notre conscience. Et quand elle arrive dans notre conscience, cela devient une force. Parce que cela devient nous. Beaucoup de gens se limitent à connaître leur nom. Ils se limitent. Ils se limitent à connaître leur nom intellectuellement. Wanaishia kujua jina lao tu ndani ya akili. Aha. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, ce petit, il est très intelligent. Et très brillant à l'université. Il va aller loin. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il vous bénit? Ne vous étonnez pas de le voir un jour professeur de notre université. Amen. Ne vous étonnez pas. Amen. Ne vous étonnez pas. Amen. Ok, je ferme la parenthèse. Amen. Je disais ceci. Nilikuwa nikisema hivi. Beaucoup de gens n'avancent pas. Watu wengi hawaendelee. Parce que même quand Dieu les a visités. Sababu wakati hata Mungu aliwatembelea. Et que finalement ils finissent par connaître leur nom. Na wanaelewa sasa jina lao nyuma. Mais comme leur nom est resté dans leur intellect. Lakini sababu jina lao limebaki tu ndani ya akili. Ce nom devient sans effet dans leur vie. Jina haina hawezi kuwagusa ndani yao. Tu auras besoin de bien réfléchir. Méditer signifie réfléchir profondément. De bien réfléchir sur le nom que Dieu t'a donné. Hier, certains d'entre nous se sont levés, ils ont dit, ils ont déjà les formations sur leur nom, ils connaissent déjà leur nom. Mais si tu t'évalues toi-même, tu risques de te rendre compte que ça fait deux ans que tu connais ton nom, mais que rien n'arrive. L'explication est simple. C'est que ton nom est resté dans l'intellect. Ton nom est resté dans ton admiration. Tu admires les choses que Dieu t'a dit. Tu t'étonnes de ce que Dieu t'a dit. Et tu penches ton attention. Tu penches ton attention sur la beauté de la jouissance de ton nom. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Mais tu devrais pencher ton attention du côté de la responsabilité de ton nom. afin de voir dans toute sa largeur, dans toute sa grandeur, le contenu de ton nom. Jésus qui a compris son nom. Vient sur la terre. Il grandit petit à petit. Déjà à 12 ans. Il ne se contente pas d'aller voir les anciens. Pour dire, Soma Isaïa, soma. Il faut lire Isaïe. Limie. C'est moi dont ton parle. Non. Apana. Lorsque Marie vient le trouver. Wakati Mariana kuja kumuona. La Bible dit. Biblia nasema. Les anciens étaient étonnés de tout ce que le petit expliquait. Wazee walishangaa ile ambayo ule mtoto mdogo alikuwa. Jésus n'était pas en train de leur démontrer qui il est dans la forme et dans la gloire. Yesu akuonyesha nini ambayo iko ndani ya utu wake na ndani ya utukufu. Il était en train d'accomplir la mission d'expliquer la vérité aux hommes. Alikuwa anatimiza kazi ya kufasiria ukweli kwa wanadamu. Alléluia. Amina. C'est-à-dire l'attention de celui qui reçoit le nom doit se focaliser sur la responsabilité de ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc nous avons ces avantages-là lorsque nous percevons la quintessence de notre nom. Wakati tunagundua uzito wa jina letu. Regardez l'exemple d'Ésaü. Mtazame mfano wa Esau. Dans Genèse 25:34. Ndani ya Mwanzo 25:34. Il revient des champs fatigué, il demande la nourriture de son frère. Anarudi shambani akiwa amechoka na naomba chakula ya ndugu yake. Et puis son frère qui est très lucide, je vous ai déjà parlé de ça. Na kisha ndugu yake ambaye alikuwa na makini sana. Il saisit l'opportunité de récupérer le droit d'aînesse. Anakamata ile fursa ya kuchukua ile haki ya mtu mkubwa. Et cet homme, na huyo mtu, Esaü. Esau qui est déjà dans son nom. Ambaye ameingia ndani ya jina lake. D'héritier d'Isaac. Ya mriti wa Isaka. C'est-à-dire. Ni kusema. Héritier d'Abraham. Mriti wa Abrahamu. C'est-à-dire. Ni kusema. Héritier de promesses de Yahweh sur Abraham. Mriti wa ahadi za Yahweh juu ya Abraham. Mais comme il n'a jamais médité sur ça. Lakini sababu haja tafakari juu ya. Il n'a pas eu l'occasion de percevoir la lourdeur de la responsabilité. Hakupata wakati wa kutazama uzito wa jukumu yake. Et il vit vaille que vaille. Na naishi kiolela. Il jouit des petites réussites de sa vie. Anafurahia tu ufaulu kidogo ya maishani mwake. Écoute frère. Sikiliza ndugu. Beaucoup de gens n'iront pas dans leur nom. Watu wengi hawataenda ndani ya jina zao. Parce qu'ils ont déjà dans la vie quelques petites réussites. Sababu wameshakuwa ndani ya maisha na mafanikio kidogo. Et leurs petites réussites vont leur voiler les yeux. Na ile mafanikio kidogo na wafunga macho. Sur la vraie provision. Kwa akiba ya kweli. Sur la vraie mission. Kwa ile kazi ya kweli. Sur la vraie réalité de leur vie. Kwa ukweli wa kweli ndani ya maisha yao. Faites attention. Mfanye angalisho. Il y a mieux que ce que tu as déjà vu. Kuna ya mzuri sana kushinda ile ambayo umesha kuona. Il y a mieux de ce que tu as déjà expérimenté. Kuna vilivyo bora kushinda ambao wewe umeviishi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors il revient des champs, il n'a pas attrapé de gibier ce jour-là. Sasa natoka shambani ya kupata hawakupata nyama ile siku. Et il vire son droit d'aînesse. Na anatoa ile haki yake ya ukubwa. Quelque part la Bible dit. Semu moja Biblia nasema. J'ai aimé Jacob. Nilimpenda Yakobo. J'ai haï Esaü. Na nikamchukia Esau. Et l'on peut dire à Dieu, tu as raison. Na unaweza kumwambia Mungu kabisa una sababu. Parce qu'il est vraiment, il ne comprend pas ce que tu fais avec lui. Sababu haelewi ile ambayo unafanya pamoja naye. Regardez Samson. Muone Samsoni. Dans Juges chapitre 13. Ndani ya Waamuzi sura 13. Verset 14 jusqu'à à Juges chapitre 4. 14, verset 4. Il est écrit que Samson ya kwamba Samsoni a eu le Saint-Esprit depuis le sein maternel. Alipokea Roho Mtakatifu. Et quand il est né, il a commencé à grandir. Na alipozaliwa kaanza kukomaa. Et Dieu l'a béni. Na Mungu akambariki. Et il a commencé à ressentir les choses divines en lui. Naanza akaanza kusikia vitu vya kimungu ndani yake. Rapidement, mbio mbio, il est descendu à Timna. Akashuka Timna. Et il a vu là-bas une femme. Na kamona huko mwanamke. Il a aimé. Akampenda. Il est rentré chez son père rapidement. Na karudi kwa babaye mbio mbio. Et il a dit. Na kamwambia. Papa. Baba. Marie-moi cette femme. Unioweye huyo mwanamke. J'ai vu à Timna. Niliona huko Timna. Marie-moi cette femme. Unioweye ule mwanamke. Maintenant. Sasa hivi. Hey. Toi tu donnes des ordres à ton père. Wewe unapatia baba yako maamri. Et son père lui dit. Na baba yake anamwambia. Mon fils. Mwana wangu, est-ce qu'il n'y a pas de femmes ici chez nous pour que tu ailles chercher une femme chez les Philistins? Ili uende kumtafute mwanamke kwa Wafilistini. Et Samson insiste. Na Samson anatilia mkazo. Où est-ce que tu mets ton nom, Samson? Umeweka wapi jina lako Samsoni? Lorsque l'ange est venu voir la femme de Manoa, ta maman. Wakati malaika alikuja kumuona, il lui avait dit, mke wa Manoa mama yako akamwambia, cet enfant va commencer à délivrer Israël des Philistins. Mtoto ataanza kuwaokoa Waisraeli toka mikono ya Wafilistini. Et tu te rends pas compte? Na uelewa ya kwamba, qu'il y a un nom sur toi? Ya kwamba kuna jina juu yako? Non. Hapana. Je l'ai aimé. Nilimpenda. Je prends. Namchukua. Vous voyez? Mnaona? Il y a un nom sur vous. Kuna jina juu yenu. Mais si vous n'arrivez pas à bien gérer les j'aime, j'aime, j'aime. Lakini kama utawale vizuri ile nimependa na napenda. Moi, oh mimi. Kufatana na gisi, mie na jisikianga. Si vous ne savez pas gérer ces choses-là, kama uchukongoza mambo kama haya, vous allez passer à côté de votre nom. Utapita pembeni ya njia yako. Ce qui m'attriste. Ile ambayo unanisirikisha. So chapitre 16. Kwa sura ya 16. Où Samson, ambapo Samsoni, sur les cuisses de Dalila, une autre femme, kwenye mapaja ya Dalila mwanamke mwingine, et qu'on vient de lui raser la tête, wamesha kumnyoa kichwa, et que cette malheureuse femme lui dit, hey, lamuka, lamuka. Na huyo mwanamke anamwambia, lève-toi. Et puis elle lui dit, bana kuya, bana kuya. Eh, na anamwambia, il vient. Badui wamefika, badui wamefika. Les ennemis arrivent. Pauvre gars. Ukijana maskini. Il dit, je m'en sortirai encore cette fois-ci. Ah, nitajitosha tena kama mara iliyopita. Oh, tajitosha. Ah, tu vas t'en sortir. Machi na toboka. Tes yeux sont déjà troués. Ça, ça y vit. Tout a l'air là. Il dit, je m'en sortirai encore. Ah, nitajitosha tena. Vous voyez? Nona. Lorsque vous n'avez pas compris la valeur et la lourdeur de votre nom, wakati ukolewa samani na vous prenez tout à la légère. Unakamata yote kwa wepesi. Même les avantages hata faida de votre nom, ya jina lako, vous prenez ça à la légère. Unaikamata kwa mzaha. Je m'en sortirai encore. Nitajitosha tena. Je crois que quand ils étaient dehors, ils ont entendu les gardes dire ça et on est foutu. Naamini walipokuwa nje wanasema ukijana anasema hivyo oh tumeshindwa tena atakamata mwiko atatumaliza saa hii parce que alikuwa shabaya ndio prendre ma laxer il va il venait de le faire marcher plusieurs fois le faire enfuir il suffisait qu'ils disent ah il y a matu alalamiki les Philistins ils avaient des problèmes na wa Philistini walikuwa na shida mais cette fois-ci lakini mara hiyo je m'en sortirai encore akasema nitajitosha tena et rien ne se produit na hakuna kilichotokea et on vient na wanakuja ola trap wanamchukua et on est parti faire de lui les jouer na wakaenda kumfanya kitu cha kuchezesha objet de loisir du peuple dans les fêtes kitu cha kufurahisha watu ndani ya sherehe on a troué ses yeux walimtoboa macho yake est-ce qu'on peut trouer les yeux de quelqu'un qui a un nom je wanaweza kutoboa macho ya mtu ambaye ana jina On peut trouver les yeux? Wanaweza kutoboa macho? Est-ce que des malheurs peuvent arriver à quelqu'un qui a un nom? Je mateso naweza kumfikia mtu ambaye iko na jina? Est-ce que quelqu'un qui a un nom peut se retrouver dans le péché? Je mtu ambaye iko na jina naweza kukutika kukutaniwa ndani ya dhambi? Quelle serait la raison? Itakuwa sababu gani? Au départ, mwanzoni, il n'a pas mesuré hakupima la quintessence de son nom. Uzito wa jina lake. J'aime Joseph. Nampenda Yusuf. Qui comprenait son appel. Ambaye alielewa wito wake. Lorsque mama Poti, wakati mama Potifari, lui dit couche avec moi. Anamwambia lala pamoja nami. Il dit hey. Anasema mimi. Comment même? Namna gani? Namna gani nitaanza? Comment? Namna gani? C'est-à-dire, ni kusema, il égare au nom qui est sur moi. Kufuatana na jina ili mtu yangu. Entrer dans tes bras. Mimi ningie mikononi mwako. Eh. Et la femme dit hein. Na mwanamke anasema uko nacheza na mimi eh. Tu joues avec moi. Ndakubaka. Je vais te violer. Les viols avaient commencé là-bas, il semble. Inaonekana kwamba ubakaji ulianzia wakati ule. Ndakubaka. Je vais te violer. Les garçons, je crois elle a attrapé le pauvre garçon. Nanawaza akamshika huyo kijana. Elle a caché. Akamshika kabisa. Et garçon dit hapa ni sauve qui peut. Na kijana anasema hapa ni kujiokoa. Entre ce petit plaisir là. Dada yangu ndani ya ile anasa kidogo ile. Et mon grand nom. Katikati ya ile anasa le na jina lake kubwa. Uchavuzi na Paul dit, fuyez l'impudicité. C'est-à-dire, entre ton nom ni kusema kati ya et la petite impudicité qui t'est proposée. Na ile uzinifu kidogo ambao nakuonyesha. Kama takwen. Ah, nakimbia hakika. Hey. Acha chemise. Tu laisses ta chemise. Kama buto jakati kaenda. Si le bouton est coupé, tu t'en vas. On va réfléchir plus tard. Utatengeneza nyuma. Si tu vas aller en prison, si la preuve est restée, si Joseph rentrait pour dire pardon, nirudishie chemise. Kama Yusufu angerudi unirudishie chemise yangu. Ah mama hapo. Mama hapo angemwambia. Elle allait dire ah, ça marche condition. Asse shuti moja tu. Tu kurudishia chemise. Je te remets ta chemise. OK d'abord. D'abord. Kuja kwanza huku kitandani. Vous voyez? Mnaona? Tu as besoin dans la vie de lâcher certaines choses. Tu dois te débarrasser de certaines choses. Tout simplement parce que tu as découvert la profondeur, la lourdeur de ton nom. Tu as découvert les multifacettes de ton nom. Tu as découvert les choses auxquelles Dieu t'attend. Vous savez, beaucoup de gens sont dans le péché simplement parce qu'ils n'ont pas connu leur nom. Si Dieu te dit kama Mungu anakuambia que ton nom ya kwamba jina lako c'est ni sauveur de l'Afrique mokozi wa Afrika du néocolonialisme kutoka hii kuwatesa wa Afrika kwa siku za leo c'est un nom qui peut exister hein? Ni jina ambalo naweza kufika quelqu'un peut-il délivrer l'Afrique je mtu anaweza kuongoa Afrika. Néocolonialisme. Ya watu ambao wanatupora mali zetu. Si Dieu peut avoir cet intérêt là. Je Mungu anaweza kuwa na faida kama na hii. Peut-être c'est ça ton nom. Sasa moja ni hii ndio jina lako. Maintenant tu vois? Sasa unaona? L'ampleur de ce nom là. Hii uzito wa hii jina. C'est une responsabilité? Ni jukumu. Mais dans chaque responsabilité, lakini ndani ya kila jukumu, il y a la facette kuna uso, du bénéfice, ya faida, de la gloire, ya utukufu, de la jouissance. Ya kufurahia. Il faut regarder cette facette-là inaomba uone ile uso, comme secondaire. Kama ni haina maana sana. Sehemu ya pili. Secondaire. Comment tu vas te comporter par rapport à des petites corruptions, à des petits, à des petites choses, tu vas te comporter de quelle manière? Namna gani utaenenda kufuatana na rushwa na ile vitu vidogo vidogo. Dieu m'a dit, porte mon salut aux extrémités de la terre. Peleka okovu wangu hadi mwisho wa ulimwengu. Quelle lourde responsabilité. Jukumu gani ambao ni kubwa. Mais comment je dois me comporter? Lakini namna gani nitaenenda? Dois-je m'encombrer de petites choses? Je na paswa jijaza na mambo madogo madogo? Non. Apana. C'est si lourd. Ni vizito sana. Que ça me fait tout le temps des larmes aux yeux. Na kila mara inanitoa machozi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je disais qu'il faut méditer sur ton nom pour comprendre. Nilisema ya kwamba ingeomba utafakari juu ya jina lako ili uelewe. J'aimerais que tu regardes dans 1 Samuel 10, 17 à 24. Na ungepaswa kuona ndani ya Samueli wa kwanza 10, 17 hadi 24. Le cas toujours de Saül, le fils de Kis. Mfano wa Saulo mwana wa Kisi. Qui est en train de devenir le roi, le premier roi d'Israël. Baya anatafuta kuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Regardez le contexte. Mwangalie hali ya hii usomi. C'est que ni kusema, dans la nation, ndani ya taifa, y a un problème kuna shida, entre le peuple et Dieu. Kati ya taifa na Mungu. Le peuple dit, taifa inasema, Dieu, Mungu, tu nous as toujours dirigé umetuongoza kila mara, par un gouvernement divin pamoja na serikali ya kimungu, avec une sorte de gérant pamoja na waongozi, les sacrificateurs ambao ni makuhani, qui est comme ton délégué parmi nous, ambayo ni kama mwakilishi wako, ou alors le prophète, ama nabii, mais nous voulons aussi un roi comme les pays voisins. Lakini nasi tunahitaji mfalme kama nchi jirani. C'est un conflit. Ni shida. Et Samuel a parlé à Dieu de ça. Na Samuel akamzungumzia Mungu juu ya hii. Et Dieu lui a dit sawa. Na Mungu akamwambia kuna ubaache. Lesley. Eh. Bana nikata. Il m'a refusé. Eh. Ubaach. Leslie. Dieu est mécontent. Mungu sana kasirika. Je crois que le petit ici est aussi au courant de cette information. Na mimi huyu kijana naye anajua hii habari. C'est pourquoi lorsque Samuel lui parle à la montagne que qui est celui qui est bénéficiaire de toutes ces richesses du pays? Le garçon lui a répondu, pourquoi tu me parles comme ça? Ndio maana Samuel alipomuuliza kwenye mlima nani anayekuwa mfaidia wa hii utajiri wote wa nchi. Saula akamjibu, sababu gani unanizungumzia mambo haya? Sadi tu commences à dire des choses sensibles. Ni kusema unaanza kuzungumzia mambo ambayo ni hatari. Et puis au chapitre 10 la première partie. Na kisa kwa sura ya 10 sehemu ya kwanza. Il y a tout cet exercice que Samuel lui a donné, tu vas rencontrer ceci, tu vas etc. Et tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas prophétiser et tu seras changé à un autre homme. Et puis tout ce que tu trouves à faire, tu vas le faire. Kuna vile vitu vyote ambavyo Samuel alimwambia kwamba mais dans ce texte maintenant, Samuel organise l'intronisation. Samuel anatayarisha kumshimika mfalme. J'aimerais que vous puissiez regarder cela. Na ningependa mtazame hiyo. Alléluia. Amina. Au verset 19, kwa shaili la 19, Samuel leur dit. Samuel akawaambia. Il fait un discours public. Anafanya hotuba mbele ya watu wote. Au peuple. Mbele ya taifa. Il leur dit. Na nawaambia. Et aujourd'hui, na leo, vous rejetez votre Dieu. Mnakataa Mungu wenu. Qui vous a délivré de tous vos maux. Aliyewaokoa toka na mabaya yenu. Et de toutes vos souffrances. Na mateso yenu yote. Et vous lui dites. Na mnamwambia kwamba. Établis-nous un roi. Utuweke mfalme. Établis un roi sur nous. Weke mfalme juu yetu. Le petit était aussi dans l'assemblée. Ukijana naye alikuwa ndani ya mkutano. Je crois qu'il a entendu ça. Na mimi naliposikiliza hii. Il s'est dit apa. Akasema ici. Batekinga. On m'a pris. On m'a vendu. Wameniuzisha. Donc, ni kusema tout le peuple est en conflit contre Dieu. Taifa lote limempinga Mungu. Et Dieu n'est pas content. Na Mungu hafurahi. Et c'est moi que Samuel, ce sacrificateur. Na ni mimi u Samuel. C'est moi qu'il prend. Ambaye ni kuani mimi ndiye anachukua. Pour aller me mettre là. Ila niweke huko mbele. La Bible dit Samuel est parti se cacher. Biblia nasema Saulu akaenda kujificha. Saul. Saulu akaenda kujificha. Il est parti se cacher. Akaenda kujificha. Il a compris. Alielewa. L'essence. Mana. De son nom. Ya jina lake. Il a fallu. Iliomba. Que l'Éternel donne une révélation. Bwana atoa ufunuo. La Bible dit, ils interrogeaient l'Éternel. Na Biblia nasema kwamba wakamuuliza Mungu. Pour dire, il est où? Ili waseme iko wapi? On l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. Wakamtafuta mahali pote wakamkosa. Et l'Éternel leur dit. Na Bwana kawaambia. Il est caché dans les bagages là-bas. Amejifichika ndani ya mizigo huko nyuma. L'Éternel. Bwana Mungu. Saül était sérieux pour se cacher. Saulo alikuwa na sababu yote ya kujificha. Mais pourquoi tu te caches ainsi? Na sababu gani unajificha hivi? Le contenu de ce nom qu'on est en train de me donner. Inayokuwa ndani ya hichi na wanayonipa. Me fait peur. Inaniogopesha. Quelqu'un parmi nous. Mmoja kati yetu. Le contenu de son nom. Unayokuwa ndani ya jina lake. C'est que c'est un sauveur de l'Afrique. Ni kwamba yeye ni mwokozi wa Afrika. Quelqu'un parmi nous, moja kati yetu, le contenu de ton nom, usito c'est que tu es un libérateur des captifs. Wewe ni mkombozi wa waliofungwa. Le contenu de ton nom, lako, c'est que tu vas avoir un impact dans cette région. Ni kwamba unapaswa kuwa na usawishi. Le contenu de ton nom, eneo. Lako, c'est que tu dois aller dans un pays musulman pour apporter l'évangile. Ili uanze kutolea habari njema. Seigneur, donne-moi ces petits noms dans lesquels il y a des laits. Et Dieu dit, hein? C'est trop tard. Il fallait me dire ça quand je t'ai créé. C'est déjà établi. C'est ça ton nom. Mais si tu ne veux pas, ça n'arrivera pas. Haitafika. Parce que librement et sababu ni kwa uhuru na hiari yako. Regardez. Tazama. Le contenu de ton nom inayokuwa ndani ya jina lako deviendra une réalité. Itakuwa ukweli. Librement kwa uhuru et volontairement. Na hiari yako wewe mwenyewe. Si tu ne veux pas, kama wewe hautaki, ça n'arrivera pas. Haitafika. Mais tu attendras le jugement. Lakini utangoja hukumu. Parce que le Dieu des cieux sababu Mungu wa mbingu dit anasema, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Ni vigumu kuanguka ndani ya mikono ya Mungu Mwenyezi. Terrible. Ni vigumu. Vous voyez? Mnaona? Il est donc indispensable. Ni kusema ni amana sana. Saül, Saulo est conscient de la chose. Anajua hii jambo. Et il est humble. Na ni mnyenyekevu. La conscience de ton appel, zamiri ya wito wako, la compréhension de la lourdeur de ton appel et ton nom, kuelewa uzito wa jina lako, va te rendre humble, itakufanya uwe mnyenyekevu, et donc dépendant, fidèle, ni kusema unategemea Mungu, unamwaminia na unamwogopa. C'est ce qui va faire que dans 1 Samuel 15:17, ndio mo itakayofanya ndani ya Samueli wa kwanza 15:17, plusieurs années après, kisha miaka nyingi, lorsque Saül est déjà dans la gloire wakati, de son nom, wakati Saulo sasa ameshakuwa ndani ya utukufu wa jina lake, et qui ne comprend plus d'où Dieu lui a tiré, na elewa tena wapi Mungu alimtoa, il ne se rend plus compte que c'est un privilège, une grâce qu'il avait eu d'être le premier roi. Il a commencé à commettre des bêtises et on va les chasser du pouvoir. Et Samuel lui dit dans ce verset. N'est-ce pas? Quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Qu'est-ce qui l'avait rendu capable d'être petit à ses yeux? C'est la lecture réelle de l'objet de son nom. Mais lorsqu'il a bu le lait de son nom, alipokula sasa kunywa maziwa ya jina lake, il a perdu de vue. Akapoteza kuona mzuri. Et la royauté s'est arrêtée. Na ufalme ukaishia hapo. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Vous voyez? Mnaona? Quand nous regardons l'exemple et l'expérience de Gédéon, tunapoona mfano wa Gideoni, qui est un cas qui relate beaucoup plus clairement Cette rencontre de visitation avec Dieu. Nous pouvons regarder six phases que je vous cite en passant et après nous allons prier. La première phase, c'est le problème. La nation est en problème. Les Madians, les matraquent, les maltraitent et les massacrent. Ils les pillent et ils les rendent pauvres. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines fois, Dieu Mungu est en quête des personnes qui mènent leur vie de manière attentive. Watu ambao wanaendesha maisha yao na kimakini sana. Les bâtisseurs comprennent ce que je parle parce que je leur ai enseigné sur ça. Wajengaji wanaelewa ninayowaambia sababu niliwafundisha hii ndani ya shule la huduma. Mener notre vie de manière attentive. Kuendesha maisha yetu ndani ya umakini. L'Éternel est intéressé aux hommes et aux femmes qui vivent de manière attentive. Mungu anawapenda watu ambao wanakuwa wangalifu sana. Dans toute la nation, ndani ya taifa nzima, ils étaient attentifs à l'arrivée des Madians. Walikuwa wangalifu kwa kufika kwa Wamadiani. Ils savaient que comme la récolte est là, walijua ya kwamba l'ennemi va encore arriver. Adui atafika tena. Mais il y a un homme, lakini kuna un jeune homme, kuna kijana moja, qui est allé plus loin que cela. Ambaye aliendea mbali na hiyo. Pour mener son attention dans la réalité divine. Ili aweke umakini wake ndani ya ukweli wa Kimungu na seme. Où sont tous ces miracles? Ni wapi hizi miujiza zote? Je pense qu'il pilait son blé. Na waza alipokuwa kisaga ngano yake. Il pilait un ton. Alikuwa kitwanga pole pole. Et puis il arrête. Kisha anasimama. Et il lève là. Anasimama. Mais on nous parle de toi là-haut. Si wana tuzungumzia wewe huko juu. Tu as fait passer notre peuple dans la mer rouge. Sulipitisha taifa letu ndani ya bahari nyekundu. Et ce jour-là, mon grand-père m'a expliqué. Or, la Bible dit, l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est-à-dire tous ceux qui sont attentifs. Les gens qui vont découvrir vite leur nom, ce sont ceux qui vivent une vie attentive. Aussi longtemps que tu vis encore. Si tu n'as ici là, tu vas terminer les 40 jours ici. Utamaliza siku makumi na hapa. Et tu n'auras rien na utapata découvert. Tu dois t'arrêter. Unapaswa kusimama. Et commencer à vivre de manière attentive. Na uanze kusikiliza kwa umakini. Gédéon est attentif dans leur situation. Dans cette nation RDC, qui sont les Congolais qui vivent d'une manière attentive? Et le Saint-Esprit parfois canalise notre attention du côté de là où il y a notre nom. Vous allez voir que lorsque vous êtes attentive et que chaque fois vous passez devant tel groupe de gens, votre cœur bat. Ou alors votre cœur souffre. Ou vous sentez votre cœur chiffonné. Ou alors vous avez mal. Mais vous passez. Vous pouvez vous étonner d'eux. Regardez seulement le soir, quand vous sautez, le soir, et que vous trouvez des gens là, habillés là. C'est comme si il anaenda kujipanika. C'est comme si il part pour se suicider. Hey. Vous avez déjà vu ça? Maintenant, quelqu'un qui mène une vie attentive, si probablement ton appel ou ton nom est de ce côté-là, tu vas constater ceci, que chaque fois que tu rencontres ce genre de personnes, au lieu de regarder cette personne avec mépris, tu auras pitié d'elle. Vous comprenez? Alors, gardez un peu une minute de silence. Et testez-vous. Est-ce que vous menez une vie attentive? Et quels sont les genres de choses qui attirent votre attention? Lorsque vous êtes attentif dans votre vie du matin au soir, quelles sont certaines choses? Est-ce que ce sont les perdus? Est-ce que ce sont les pauvres? Qu'est-ce qui attire votre attention? Tu peux noter ça? Qu'est-ce qui retient ton attention? Bon, c'est possible que toi, il n'y a rien qui retient ton attention parce que tu n'as pas d'attention. Tu n'en as pas. Alors, la première phase, c'est le constat. Dans les phases de Gédéon. Il constate le malheur, ça lui fait mal, il réfléchit et médite sur cela. Et au ciel, Dieu dit, c'est ça le héros qui va sauver cette nation. Quand l'ange vient à Gédéon, il ne négocie pas avec Gédéon. Il ne lui dit pas, Gédéon, comment tu trouves? Est-ce que tu peux accepter de sauver le peuple? Non. L'ange lui dit tout simplement, l'Éternel est avec toi, vaillant. Depuis quand je suis héros? Depuis que tu t'es exercé, amène une vie attentive. Alors tu vas saluer les héros qui sont à côté de toi. Saluez-les. C'est un héros. C'est un héros. Dis-lui, vaillant héros. Je te salue, vaillant héros. Salue les vaillants héros. Déjà à ce stade, si tu t'exerces à mener une vie attentive, tu ne vas pas finir le tournant avant de connaître exactement ce que Dieu attend de toi. Deuxième chose, dans les phases de Gédéon, sa visitation, c'est ce que nous voyons au verset 11 et 12 de Juges 6. Dieu, qui cherche les gens comme ça, il a trouvé Gédéon et il lui a offert une visite divine. Que Dieu te donne ta visite divine avant la fin de ce programme. Que tu rencontres l'ange de l'Éternel et qu'il te dise ton nom et qu'il te rassure de tout ce qu'il a prévu au ciel dans les lieux très saints, que les prévisions divines viennent sur toi et que tu les comprennes clairement et que tu t'y engages clairement. La troisième phase de Gédéon, c'est la discussion. Gédéon a discuté. Du verset 13 au verset 16, pourquoi il discute? Il essaie de prendre conscience des choses qu'on lui dit. Il n'est pas bon, mon frère, quand tu reçois une information, que ce soit de quelqu'un ou de toi-même, il n'est pas bon de courir rapidement dedans avant de prendre le temps de comprendre. Et pour comprendre, on peut discuter. Et Dieu ne rejette pas celui qui discute. C'est vrai, on a beaucoup d'images dans la Bible. Des hommes de Dieu qui n'ont pas discuté comme Abraham. Mais si tu discutes positivement, afin de bien comprendre, pour que tu deviennes efficace, ça Dieu aime. Dieu aime. Il discute avec l'ange. Alléluia. Et l'ange les rassure. Il dit, Josué, Gédéon dit, je n'ai pas de potentiel pour faire ça. Et l'ange lui dit, au contraire, tu penses que le potentiel est ailleurs chez Dieu. Dieu a déjà mis ça en toi. C'est toi qui as le potentiel. Et lui dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Amina. Et délivre Israël. L'ange n'a pas de doute. L'ange lui dit, va et délivre Israël. Pour l'ange, il n'y a pas d'autres étapes. C'est déjà fait. Tu as le pouvoir. Tu as la vaillance. Tu as la grâce. Tu as la faveur de Dieu. Vas-y. Et l'Esprit en train de dire à quelqu'un ce soir, vas-y. Vas-y. Vas-y. Je serai avec toi. Alléluia. Amina. La quatrième phase. Na hatua ya nne. Gédéon comprend. Gideon anaelewa. Et accepte sa mission. Na nakubali kazi yake. Du verset 17 kuanzia saa ya 21 hadi 21. Gédéon propose de faire une offrande. Gideon anaweka mapendekezo. Pourquoi tu fais une offrande? Fanya sadaka. Namna Gédéon dit j'ai compris. Gideon anasema nimeelewa. Mais je vais tester si c'est vraiment Dieu qui parle. Lakini nitaweza kupima kama ni kweli Mungu. Et dit je vais faire une offrande. Nitafanya sadaka. Et je vais te faire un peu de bouffe. Na nitakufanyia chakula. Donne-moi un peu de minutes, je vais pour chercher à manger pour toi. Nipatie dakika fulani naenda kutafutia chakula. C'est qui est curieux. Inayokuwa ya kushangaza. L'ange l'Éternel. Malaika wa Bwana. Ce jour-là. Siku ile. Il a attendu la nourriture. Hakika alingoja chakula. Bwana asifiwe. Asi alikuwa na njala. A-t-il faim? Bwana asifiwe oh. Amen. L'ange l'Éternel attend la nourriture. Malaika wa Bwana anangoja chakula. Gédéon ramène la nourriture. Na Gideon analeta chakula. Offrande. Chakula. L'ange lui dit. Malaika anamwambia. Regarde, il y a une pierre là-bas. Angalia kuna jiwe hapo. Il met la nourriture sur la pierre. Anaweka chakula kwenye jiwe. Et dit bon OK. Na nasema. Verse le jus sur ça. Wendo kamwangie maji juu yake. Et puis l'ange a pris son bâton. Na kisha malaika akachukua. Et puis il a fait toucher dedans. Na akagusisha hiyo. Et vous connaissez la suite. Na mnajua inayoendelea. Il a disparu. Akatoweka. Et Gédéon dit, ah, c'est vrai. Na Gideon akasema hakika. C'est l'Éternel. Ni Bwana. Mais quand l'ange part, lakini wakati malaika physiquement, nenda, kwa kimwili, il n'est pas parti spirituellement. Hakuenda kiroho. Parce qu'il lui donne des instructions ensuite. Sababu anamupatia. C'est la cinquième phase. Na hii ni hatua ya nne. Verset 25. Kwa shaili la 25. L'Éternel lui donne un exercice. Bwana anampatia zoezi. Il lui dit, tu vas aller détruire l'hôtel de ton père, l'hôtel de Baal. Anamwambia wendo kabomoe ile mazabahu ya Baal ya baba yako. Autrement, kwa maneno mengine, premier exercice, zoezi la kwanza, savoir risquer, ujue kujitoa, par rapport à ton nom, kufuatana na jina lako. Beaucoup ont connu leur nom. Wengi walijua jina zao. Et ils sont restés en train de se cacher avec leur nom. Na walibaki wakijificha na jina zao. Ils n'osent pas. Hawapimi. Ils ont peur du risque. Wanaogopa kujitoa ndani ya hatari. Dit à ton voisin, tu dois risquer. Ambia jirani yako unapaswa kujitoa. Dieu doit se rassurer. Mungu anapaswa hakikishwa. Que tu es prêt à risquer. Ya kwamba uko tayari kujitoa. Or tu ne sauras pas risquer. Itapokuwa utajua si kujitoa. Si au départ, kama mwanzoni, tu n'as pas compris l'ampleur haukuelewa uzito de ton nom. Wa jina lako. Bwana asifiwe. Amina. Et la sixième phase de Gédéon. Na hatua ya sita Gideoni. Il fait face. Anakuwa mbele. À sa mission. Ya kazi yake. De délivrer le peuple. Ya kukomboa taifa. Quand les Madians wakati wa Midian apprennent wanaelewa qu'il y a des choses qui se passent là-bas ya kwamba kuna mambo yanayopitikana huko et qu'il y a même un jeune homme ya kwamba na kuna kijana mmoja qu'il a rencontré Dieu ambaye anajiwazia kwamba amekuta Mungu et qu'il a détruit l'hôtel de Baal na amebomoa ile madhabahu ya Baal wakaitana Madia appelle wa Madiani, les fils de l'Orient wakaita watu et les wa Amalek na Wamaleki ils sont venus à cercler le pays na wakakuja wakazunguka taifa la Israeli jusqu'à Israël mpaka Yezreel non loin de Bethlehem karibu na Bethlehem de Nazareth karibu na Nazareti ils ont encerclé wakawazunguka et dans cette sixième phase na ndani ya hii hatua ya sita Gédéon fut revêtu Gideoni akavikwa haleluya amina. Il fut revêtu akavikwa de la puissance na uwezo du Saint-Esprit wa Roho Mtakatifu. Il fut revêtu akavikwa de la puissance na uwezo du Saint-Esprit wa Roho Mtakatifu. J'aimerais te donner ces éléments ningependa nikupatie mambo haya pour que ili dans pendant que nous évoluons dans ce programme tunapoendelea ndani ya mkutano huu à la recherche de nos noms ndani ya kutafuta jina zetu tu te réfères aussi à Gédéon wanze ona Gideoni kama mfano et tu vois les choses qui peuvent arriver aussi avec toi naone mambo ambayo yanaweza kufika pamoja nawe. Vous savez aujourd'hui nous avons l'avantage mnajua leo tunayo faida parce que sababu nous avons les écritures tuna maandiko. C'est-à-dire il y a des gens qui ont déjà vécu ce que nous voulons vivre. Ni kusema kuna watu ambao wameshakuishi mambo ambayo tunapenda tuishi. Et leur expérience nous aide et nous éclaire. Na maisha walioyaishi inatuangazia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je vais m'arrêter là. Nitaishia hapo. Qu'est-ce que tu as compris ce soir? Nini umeelewa magharibi ya leo? Le panier des offrandes circule. Vitunga vya sadaka viko nazunguka. Qu'est-ce que tu as compris ce soir? Nini umeelewa magharibi ya leo? Nous avons besoin. Tunayohitaji de mesurer. Ya kupima. Le contenu de notre nom. Inayokuwa ndani ya jina letu. Afin de tirer les avantages que nous avons vus. Ili tupate faida ambazo tumeziona. Et pour mesurer cela, nous sommes appelés à méditer sur ce nom. Et en méditant sur ce nom, nous percevons à sa titre et valeur ce que Dieu attend de nous. Mais rappelle-toi, na ukumbuke, Dieu ne fait exception de personne. Mungu hana upendeleo. Nous sommes tous appelés à la grandeur. Sisi sote tumeitwa kwa ukubwa. Et tout dépend de toi. Na yote na usika na si tu es attentif, kama wewe uko makini, Dieu va te visiter. Mungu atakutembelea. Même ce soir. Hata mangaribi ya leo. Si tu n'es pas attentif, kama wewe si peut-être makini, il va te visiter demain. Sasa moja anaweza kukutembelea kesho. Ou à la fin du mois. Ama mwisho wa mwezi huu. Mais si tu es attentif, attends. Lakini kama uko makini ngojelea. Attends. Ngoja. Kwa wakati. Si tu es attentif, attends. Kama uko makini kwa wakati. Dieu va te visiter à temps. Mungu atakutembelea kwa wakati. Et tu auras tout le temps. Na utakuwa na wakati wote. De pénétrer. Ya kuingia. Le contenu de ton nom. Inayokuwa ndani ya jina. Et avant la fin de ce mois. Na mbele ya mwezi huu. Ta vie va déjà commencer à faire des preuves. Maisha yako itaanza kuonyesha vitambulisho. Ta vie va déjà commencer à se manifester. Maisha yako itaanza kujionyesha. Alors que personne ne te connaissait. Les gens vont commencer à te connaître. Watu wataanza kujua. Tu n'auras pas besoin de te vanter, de crier ton nom. Hautakuwa na haja ya kujitapa na ulalamike jina lako. Mais les gens vont crier ton nom sans que tu leur aies dit. Lakini watu watalalamika jina lako. Levons-nous et commençons à prier. Msimame na tuanze maombi. Levons-nous ensemble. Msimame pamoja. Alléluia. Amina.